Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle. De Pierre de Ronsard. Enregistré pour LibriVox.org. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante, ayant un nouvel, déjà sous le labeur à demi-sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aillerait veillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et fantôme sans eau. Par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si mon croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Fin du poème. Enregistré par Pamela Nagami. Cet enregistrement fait partie du domaine public.